Dans le domaine de l'aide psychologique, peut-on dissocier l'action préventive de l'action curative? Cette question a déjà été abordée, mais on peut encore en discuter. Comment s'articulent le préventif et le curatif dans le cadre de la consultation, dans le contexte du travail en équipe et en réseau? Quels peuvent être les effets de la rencontre d'un étudiant avec un psy? Les intervenants de cette table ronde n'ont évidemment pas pour mission de répondre à toutes ces questions qui sous-tendent cependant leur pratique et leur élaboration. Ils vont nous faire part de leur expérience dans des lieux d'accueil, d'écoute et de parole pour les étudiants et partager avec nous la réflexion qu'ils en ont conçue, ce dont je les remercie au nom des organisateurs. Ils représentent trois institutions différentes dans des villes universitaires géographiquement éloignées. Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'Université d'Angers, le centre d'accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg et le bureau d'aide psychologique universitaire dit Luxembourg à Paris. Au-delà de la diversité des modalités de leur réponse au mal-être étudiant, peut-être se reconnaîtront-ils dans ces propos de Julia Kristeva. Le psychique peut être le lieu où s'élabore et donc se liquide le symptôme somatique aussi bien que la projection délirante. Le psychique est notre protection, à condition qu'on ne reste pas enfermé, mais qu'on le transfère par l'acte du langage en une sublimation, en un acte de pensée, d'interprétation, et de transformation relationnelle. Il est temps maintenant de passer la parole à la première intervenante, Claudine Veuillet-Combier, psychologue clinicienne au SUMS et maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université d'Angers. Ses travaux de recherche portent notamment sur les champs de la filiation et de la transmission psychique. Son intervention va traiter du malaise étudiant au mal-être dans la filiation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais pour commencer remercier l'association qui m'a conviée aujourd'hui à échanger avec vous. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, d'autant plus heureuse que j'ai été très animée par de nombreuses réflexions au cours des échanges qui ont déjà eu lieu tout à l'heure. Donc j'espère que mon intervention va pouvoir contribuer à alimenter le débat. Alors je souhaiterais pour commencer préciser que c'est à plus d'un titre que la situation étudiante et les difficultés qui l'accompagnent mobilisent mon intérêt. Effectivement, c'est déjà en qualité d'enseignante à l'université que je suis conduite à m'interroger sur les enjeux convoqués dans le lien aux études supérieures. Et à cette place, je ne peux manquer de me questionner régulièrement sur les déterminants venant chez certains entraver leur rapport au savoir et perturber leur parcours de formation. Pour exemple, dans le cadre d'un dispositif universitaire proposé aux étudiants de première année, des entretiens de suivi de formation sont donc mis en place dans l'université où j'interviens et il est proposé donc à ces étudiants de rencontrer un enseignant référent. Et je voudrais donc vous faire part un petit peu des propos tenus par les enseignants à l'occasion, étudiants à l'occasion donc de ces entretiens. Alors voici ce que certains ont pu dire. C'est un peu difficile pour moi cette année, ça m'intéresse, mais je me sens un peu perdue à la fac, avec les cours en amphi et tout. En plus, je suis en colloque avec quelqu'un qui aime bien faire la fête. Bref, je ne vous fais pas de dessin. Résultat, j'ai presque raté tous mes examens du premier semestre. Alors, ce n'est pas le franc moral. Je fais un peu de déprime. Et comme c'est mes parents qui payent mes études, évidemment, c'est un peu tendu le week-end quand je rentre. Ou encore, j'ai complètement décroché ce semestre, car j'ai pris un job le soir de livreur de pizza. Il faut tenir, j'ai été pas mal fatiguée. Le passage du lycée à la fac, ça n'a pas été simple. C'est un peu dur parfois. Un gros changement de vie quand même. Pas facile de faire face. En plus, pour tout vous dire, on a appris il y a quelques mois que mon père avait un cancer. Alors, ça aide pas sur le plan moral. d'autres propos. Pour les cours, pour moi, ça va trop vite. Je n'arrive pas à prendre toutes les notes. Je vais peut-être finalement me réorienter. Je suis un peu stressée, car pour le moment, je ne sais plus trop où j'en suis. Je viens du Mali. La famille qui est loin, les problèmes de papier, c'est pas toujours facile. Et enfin, je terminerai avec un dernier exemple issu de ces rencontres avec les étudiants dans le cadre donc des entretiens avec l'enseignant référent. J'ai eu des problèmes ce semestre dans le cadre des dossiers à faire. Je ne me suis pas du tout entendue avec les filles de mon groupe de TD. Il y a eu pas mal d'histoires qui m'ont perturbée. J'ai eu du mal à avaler tout ça. J'en ai même fait une anorexie. Pas facile de se faire des amis à la fac. On se sent souvent seul. En plus, avec les bourses et dans la société d'aujourd'hui, on a la pression. Il faut réussir. Ainsi, même si la majorité des étudiants s'adaptent sans trop de soucis à l'université et soulignent apprécier l'autonomie et le sens des responsabilités qu'elle encourage, d'autres, comme ceux dont je viens de vous citer les propos, témoignent des difficultés qui méritent attention. Effectivement, ces difficultés, quand elles se multiplient et s'intensifient, elles vont souvent engendrer un état de réelle souffrance qui réclame un lieu où se dire et se faire entendre. De ce point de vue, le SUMS, donc le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, se propose alors fort opportunément comme un espace de parole et d'écoute possible où orienter ces étudiants. Ils ont de plus l'avantage de trouver au sein de ce service une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, de psychiatres, d'assistantes sociales, de médecins, d'infirmiers. L'ensemble de ces professionnels va pouvoir offrir, dans la complémentarité, un large éventail de consultations spécialisées en fonction des problèmes spécifiques qui se posent. Les facteurs à l'origine de la détresse de l'étudiant sont effectivement multiples et ne se satisfont pas le plus souvent d'une seule forme de réponse. Il importe davantage, comme le préconise l'OMS, de considérer la santé de l'étudiant dans sa globalité en prenant en compte chez le sujet aussi bien la dimension physique, mentale que sociale. En conséquence, je voudrais maintenant vous faire part plus précisément peut-être d'éléments concernant mon expérience de psychologue clinicienne donc au sein d'un SUMS. Effectivement, ma rencontre avec les étudiants dans ce contexte m'a permis d'observer au plus près combien les études supérieures pouvaient se proposer comme une expérience de vie source d'inquiétude et de bouleversement. En effet, le malaise exprimé peut être aussi bien momentané et réactionnel que relevé d'une souffrance psychique plus ancrée et témoignant d'une pathologie parfois lourde. On pourra alors, selon les contextes, proposer un accompagnement psychologique ponctuel, quelques rendez-vous pouvant parfois se montrer suffisants, alors que pour d'autres, plusieurs mois de suivi pourront se révéler nécessaires. Ceci en sachant qu'à l'extrême, des situations d'urgence peuvent aussi se présenter et rendre impérative, dans un partenariat avec le psychiatre par exemple, la mesure d'hospitalisation. Effectivement, les motifs de consultation des étudiants témoignent de problématiques extrêmement variées qui interdisent toute tendance à la généralisation. Ceci car la souffrance psychique emprunte des voies d'expression qui sont singulières et qui sont liées à l'histoire personnelle et intime du sujet. Alors pour éclairer mon propos, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du parcours et de l'histoire d'une étudiante que je vous propose de nommer pour aujourd'hui Émilie. Cette jeune fille, âgée de 19 ans, se présente au SUMS pour prendre un rendez-vous avec un psychologue sur les conseils du service universitaire d'information et d'orientation des étudiants, le SUIO. C'est assez timidement qu'elle s'installe sur son siège où elle me fait face et avec un sourire hésitant, elle va très vite m'expliquer en pleurant, laissant donc là déborder ses larmes, qu'elle va mal en ce moment, mais qu'au fond, elle ne sait pas vraiment pourquoi. Si elle est venue, précise-t-elle, c'est parce qu'on lui a conseillé, car ce n'est pas son genre de se plaindre. Habituellement, elle se contrôle, ajoute-t-elle, mais en ce moment, ça déborde. Elle explique alors que c'est la première fois qu'elle consulte un psychologue et qu'elle est peu encline, de manière générale, à se confier. D'habitude, souligne-t-elle, effectivement, c'est plutôt elle qui écoute et soutient les autres, ses amis, ses proches en général. Elle a, dit-elle, un caractère plutôt fort, mais depuis le début du semestre, elle ne se reconnaît plus et elle a parfois le sentiment de s'effondrer. Elle ne va pas bien du tout, elle pleure souvent, elle n'a plus envie de sortir avec ses amis et elle n'a plus beaucoup d'appétit. Elle est toujours fatiguée et pourtant elle ne travaille pas beaucoup en ce moment, dit-elle, car elle n'arrive plus à se concentrer et cela la plonge d'ailleurs dans l'inquiétude car elle veut réussir ses études. Et elle s'inquiète beaucoup pour son avenir professionnel. Son sommeil aussi est difficile. Elle est angoissée le soir et elle a besoin désormais de laisser la lumière allumée pour se trouver l'endormissement. À cet instant, elle éveille en moi l'image du tout petit qui redoute l'expérience de la séparation liée au retranchement du monde que suppose la plongée onirique et la nécessité dans laquelle il est alors de requérir un signe de la présence de la mère, fonction que la lumière de la veilleuse, en général, suffit à tenir. D'ailleurs, dans le champ de la relation transféro-contre-transférentielle, c'est à cette place-là que je me sens convoquée auprès d'Émilie, dans le rôle d'une figure maternelle, rassurante, autrement dit, bienveillante. Émilie, à ce propos, explique qu'elle aurait bien aimé se confier à son médecin de famille qu'elle aime beaucoup et qui la connaît depuis qu'elle est toute petite. Mais l'un ou l'autre de ses parents participant souvent aux consultations médicales, elle ne veut pas les inquiéter avec ses soucis. Ses parents ne sont donc pas au courant de sa démarche auprès d'un psychologue. Car depuis cette année, me dit-elle, elle ne vit plus avec eux. Et elle estime important qu'elle apprenne désormais à gérer seule ses problèmes, même si ce n'est pas toujours facile. Pour Émilie, comme pour d'autres étudiants, pouvoir s'engager de sa propre initiative dans une démarche de consultation psychologique en toute autonomie et indépendance vis-à-vis des parents participe d'un mouvement de maturation de la demande et d'une tentative pour s'aménager une ère privée et subjective. Pour autant, s'affranchir du lien de dépendance parentale n'est pas sans alimenter une forme d'ambivalence. Ainsi, Émilie poursuit-elle en expliquant que d'un côté, elle est heureuse d'avoir quitté l'enseignement secondaire cette année pour découvrir de nouveaux horizons, faire de nouveaux apprentissages, car elle aime apprendre. Elle est contente aussi de bénéficier d'une certaine liberté en ayant son propre appartement. Mais par ailleurs, elle témoigne également du fait qu'elle souffre d'isolement et que les nouveaux amis qu'elle a trouvés ne remplacent pas la famille. Elle supporte difficilement, dit-elle, la séparation, même si les appels journaliers de sa mère l'agacent parfois. Elle ne peut pas rentrer tous les week-ends à cause de la distance géographique. Et si son nouvel environnement lui plaît, elle aspire cependant désormais qu'à s'inscrire l'année prochaine dans une université beaucoup plus proche de chez elle. Émilie est depuis peu inscrite en fac de biologie. Elle a effectivement, tout dernièrement, changé d'orientation. Elle était auparavant dans une école de paysage, où elle avait, dit-elle, le sentiment d'étouffer. L'univers de cette formation lui est apparu très fermé et elle s'est sentie fortement sous pression. Bien qu'étant une bonne élève, issue d'un bac S avec mention bien, et étant habituée à travailler sérieusement, les exigences de résultats et l'ambiance de la promotion qu'elle a ressentie dans la compétition l'ont déstabilisée. Elle a le sentiment, me dit-elle, qu'elle n'était pas à la hauteur. Cette mentalité ne lui convenait pas. Après coup, elle reconnaît aujourd'hui qu'elle a sans doute choisi cette école, dit-elle, pour une mauvaise raison. Comme je lui demande de préciser ce qu'il en est de cette mauvaise raison, elle poursuit en disant que c'est le prestige et la réputation de cette formation qui l'ont sans doute attirée au départ. Mais finalement, les disciplines enseignées ne correspondaient pas à ses attentes. Même si Émilie dit ne pas regretter d'être inscrite à l'université, où les premiers jours qu'elle vient de vivre se sont bien passés, elle reste malgré tout aux prises avec un sentiment d'échec douloureux qui alimente un vécu de blessures narcissiques. Échec qui résonne en écho avec un autre, qui concerne cette fois-ci sa vie amoureuse. Quand elle était au lycée, me raconte-t-elle, elle a vécu une relation passionnelle avec un petit ami qui l'a quittée brutalement, la laissant profondément désespérée. Elle avait à cette période été mise sous antidépresseur par son médecin de famille, mais elle a le sentiment de ne s'être jamais complètement remise de cette déception sentimentale qui l'a profondément blessée. Un soir à l'époque, relate-t-elle, bien que ce ne soit pas dans ses habitudes, elle s'est fait peur. En noyant son chagrin dans l'alcool, et elle se retrouvait, me dit-elle, proche du coma éthylique. En se remémorant cet événement, elle semble alors prendre conscience que sans doute, cette solution lui est apparue à ce moment-là, car, me dit-elle dans un souffle, son père est alcoolique. Émilie m'expliquera alors qu'effectivement, son père a toujours bu et que depuis seulement un an, grâce à différentes aides, il est devenu abstinent, au grand soulagement de son entourage. Émilie précise d'ailleurs que si son père boit depuis des années, c'est parce qu'il est stérile. Il n'a jamais supporté cette situation. Émilie, comme son frère, s'en est par insémination artificielle. D'ailleurs, aujourd'hui, Émilie m'explique se poser beaucoup de questions sur son géniteur. Elle se demande si elle lui ressemble et regrette l'anonymat porté sur le don de sperme. Elle se dit que cet homme doit être quelqu'un de bien s'il a pu avoir la générosité de faire don de ses gamètes pour permettre à d'autres d'avoir des enfants. Mais cependant, elle reste, dit-elle, avec de nombreuses questions sans réponse. Pourquoi a-t-il fait ce don? A-t-il d'autres enfants? Que sont devenues les autres paillettes qu'il a données? Elle sait qu'il en avait 7. Elle aimerait savoir, car, dit-elle, le côté génétique, ça joue quand même. Lors des consultations suivantes, Émilie va effectivement mettre au travail de façon centrale la question de son rapport au savoir infiltré des enjeux psycho-affectifs inconscients qui l'occupent. La zone d'ombre portée sur ses origines va l'engager à déployer tout un roman familial venant alimenter la représentation d'un père géniteur idéal pourvu des qualités les meilleures. Sur le plan inconscient, cette représentation imaginaire va dans un premier temps lui permettre de conserver une bonne image de la figure paternelle. Ceci dans un mouvement de clivage qui l'autorise alors, sans risque, à attaquer l'image de son père actuel. L'expression de cette agressivité va dans un mouvement lui permettre de mettre ce père à distance et se proposer comme une manœuvre défensive visant à le protéger des mouvements oedipiens à l'œuvre à son insu. Émilie explique effectivement qu'elle a jusqu'alors déployé beaucoup d'efforts pour plaire à son père et aller dans le sens de son désir, même si elle a le sentiment qu'en retour, lui n'est pas toujours à son écoute et ne la comprend pas. Car ce qu'Émilie cherche finalement à vérifier à travers sa quête des origines, c'est surtout la fiabilité du lien qui l'unit à son père et le fait de se sentir peu aimable, de se sentir par lui non reconnaissable. Elle revisitera ainsi peu à peu, au cours des entretiens psychologiques, le lien à son père et à sa mère, en évoquant notamment plusieurs événements douloureux de son enfance. Elle fait récit, par exemple, de scènes pénibles, où son père, étant alcoolisé, se montrait dur et agressif dans ses propos. Notamment, elle se remémore des moments où, sous l'emprise de la boisson, il tenait un discours très rejetant pour elle et son frère. Il nous lançait à la figure, dit-elle, qu'il n'était pas notre père, que nous n'étions pas ses vrais enfants. Bien sûr, il s'en excusait plus tard, mais c'était des choses dites. Et quand même des choses pas faciles à entendre, ajoute-t-elle. Émilie va, comme cela, tracer le portrait d'un père qui a du mal à se saisir de sa place paternelle, ce qui rend alors de ce fait incertain la place qu'Émilie doit occuper, elle, en tant que fille d'eux. Face au désaveu de paternité de son père, face à ce père qui se dérobe, Émilie peine donc à s'inscrire dans sa filiation. On comprend mieux alors pourquoi, dans un mouvement de réparation narcissique, elle s'accroche à la représentation imaginaire d'un autre père, le père génétique. en difficulté pour se construire en prenant appui sur les figures affectives qui l'entourent, Émilie risque l'effondrement. Le lien transférentiel, dans le cadre de la consultation psychologique, va venir lui apporter une possibilité d'étayage et encourager son travail d'élaboration psychique. Elle peut à cette occasion lâcher prise, se laisser aller aux mots et aux larmes, pleurer, séance après séance, presque dans un flou continu. Elle prend même au fur et à mesure du temps l'habitude, en arrivant en consultation, de se saisir d'emblée du paquet de Kleenex qu'elle tient précieusement sur ses genoux pour en sortir régulièrement les petits mouchoirs en papier blanc. Émilie renoue ainsi au cœur des séances avec une émotion jusqu'alors contenue qu'elle s'autorise à manifester et à reconnaître en elle. Elle évoque aussi sa mère, qu'elle me décrit comme fragile, menue physiquement, souvent malade, et qu'elle a toujours eu par ailleurs le sentiment de devoir protéger. Émilie explique comment elle s'est positionnée comme la confidente de cette dernière. Son frère, de 10 ans plus âgé, ayant quitté assez vite la maison, elle a eu rapidement le sentiment, me dit-elle, que c'était à elle, maintenant, d'assurer. Émilie s'est ainsi vue, dans un renversement des rôles et des places, conduite à soutenir ses parents et à nouer avec eux un attachement, la privant d'une attention pour son propre désir et sa propre parole. L'entrée dans les études universitaires va donc la conduire à affirmer des choix d'orientation et de formation et l'engager vers la nécessité de se projeter vers l'avenir. Mais Émilie est empêchée d'aller de l'avant car elle est prisonnière des ombres du passé. Pour pouvoir répondre à la question « où je vais ?», elle est conduite à se demander « d'où je viens ?». L'inconnu qui s'ouvre alors face à elle vient faire écho aux énigmes qui couvrent l'identité de son géniteur. Émilie est très préoccupée par son avenir professionnel et redoute de se tromper dans son choix de vie. Elle s'interroge sur le fait qu'elle n'ait pas des dons artistiques, contrairement à son père et à son frère, et se demande s'il n'y a pas là un lien avec son géniteur. Sa réorientation en biologie, vous le voyez, de ce point de vue, prend tout son sens. Mais il y a fort à parier que connaître celui qui a fait don de gamètes pour permettre sa conception ne répondrait pas au fond aux questions que se pose Émilie. Car si le lien de filiation qui nous fonde nous indique la place à prendre et croise la dimension génétique et le rapport à la loi, il engage aussi l'imaginaire et la dimension affective. Nous pensons tous des questions sur nos origines, car nous y étions en quelque sorte sans y être. Mais il ne suffit pas de se savoir né d'eux pour s'éprouver fils ou fille d'eux. Il ne suffit pas d'être mis au monde pour être au monde. Il nous revient de devenir finalement ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Aussi, derrière la question d'où je viens, se profile surtout pour Émilie de façon cruciale la question qui suis-je. Derrière sa quête des origines s'énonce en fait manifestement une quête identitaire. L'identité humaine ne se résume pas effectivement aux circonstances de la conception ni à l'établissement d'une fiche d'état civil et participe d'un effort de construction interne qui suppose le passage par des étapes, voire par des états de crise qui peuvent nécessiter à un moment donné donc des figures de soutien. Pour Émilie, comme pour d'autres étudiants, la consultation psychologique vient donc occuper cette fonction et aider à soutenir un travail d'élaboration et de remaniement intra-psychique. Son malaise dans le lien aux études est venu témoigner de son mal-être dans la filiation, attaché à un questionnement identitaire. Le suivi psychologique va se dérouler sur quelques mois et va lui permettre de remettre en route un travail d'appropriation de son histoire, marqué par l'acceptation de la chute de ses idéaux. Émilie va réussir avec succès ses examens, passer en deuxième année de biologie et apprendre peu à peu à faire avec ses doutes et ce qu'elle est. Elle va, à l'occasion de l'arrêt du suivi, pouvoir travailler de nouveau la question de la séparation dans le transfert et puiser à cette occasion des capacités d'émancipation. Elle aura nécessairement, à d'autres occasions de sa vie, à se trouver de nouveau confrontée à tous ces enjeux, mais un bout de chemin, peut-on dire, aura été fait. Elle pourra puiser là, à cette source, des éléments pour affronter les difficultés nouvelles à venir. L'âge de la majorité sociale accompagne en principe chez le jeune son entrée dans la vie étudiante, mais il reste cependant le plus souvent économiquement et surtout affectivement encore très dépendant de son environnement familial et en difficulté dans l'affirmation de soi. C'est là une situation paradoxale qui, bien sûr, peut être potentiellement, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, source de mal-être. L'entrée dans la vie étudiante suppose une capacité à effectuer des choix de formation liés à des projections professionnelles et une capacité à envisager l'avenir et sa part d'inconnu et d'incertitude sans trop de crainte. Au moment finalement où le jeune est convoqué à la place d'affirmation de son désir et de sa parole, alors qu'il l'a le plus souvent revendiqué, cette liberté, quand elle lui est donnée, elle le plonge dans la panique et le doute. La capacité à se lancer vers le mouvement d'indépendance et, va donc supposer d'en passer par le questionnement nécessairement des liens de dépendance, et notamment des liens de dépendance à l'égard des figures parentales. Donc il s'agit pour l'étudiant qui a le plus souvent dû quitter le domicile familial pour s'engager dans les études, de trouver de nouveaux repères affectifs et relationnels et de reconsidérer alors sa place dans la famille. Aussi j'ai en tête par exemple le cas d'une étudiante de 25 ans. Oui, c'est l'heure que je m'arrête bientôt. Bon, alors, je vais finir rapidement. Je voulais juste citer l'exemple de cette étudiante de 25 ans qui est donc en master et qui me dit qu'elle a découvert avec beaucoup de tristesse que ses parents avaient retapissé sa chambre et coupé coupé les pieds de son lit à mezzanine. Donc, ce qui, je trouve, est tout à fait intéressant sur ce sentiment dans lequel finalement les étudiants sont le plus souvent, à savoir vouloir changer sans que rien ne change. Alors, comme je dois terminer, je vais essayer de terminer. Bon. Je termine juste pour dire que je souhaiterais souligner juste que finalement le statut d'étudiant ne peut résumer à lui tout seul finalement ce qu'est le sujet, mais qu'il vient malgré tout l'interroger sur ce qu'il a été, sur ce qu'il est et sur ce qu'il souhaite devenir. Voilà, je vous remercie. Merci. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à notre discutant, Thierry Sormet. Merci pour cette riche intervention. Donc, alors quelques remarques, quelques questions. Alors d'abord une remarque sur la définition de la santé par l'OMS, hein, puisqu'il fait référence à cette définition, qui parle d'un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ce qui, si on y regarde de plus près, nous situe tous plus ou moins en déficit de santé, hein, parce que ne serait-ce que sur le plan psychique, eh bien, le bien-être ne peut être quelque chose ni de constant ni de définitif. Et je crois que c'est Didier Anzieux qui disait ça, ou à peu près ça, enfin tout ça c'est approximatif, vous me pardonnerez, c'est l'idée que la bonne santé psychique, ce serait la possibilité d'aller mal et de pouvoir s'en remettre. Donc je trouvais que c'était une définition qui allait plutôt bien. Alors, quelques mots peut-être sur ce cas, enfin... Votre hypothèse donc semble être que les questions de filiation finalement viennent faire écran à d'autres questions qui concernent, enfin d'autres questions plus pressantes qui concernent le désir de cette jeune femme, c'est-à-dire le choix d'orientation bien sûr, le rapport à l'autre sexe et puis le rapport à ce père réel, enfin en toile de fond le rapport à ce père réel. Qui n'est pas le géniteur, qui est le géniteur, c'est un père imaginaire, hein, vous l'avez dit. Et puis ce père réel qui est à quelques égards défaillant à cette place de père. Et en fait, enfin là où je veux en venir, c'est que c'est ce qui ressort finalement de cette clinique presque systématiquement, hein, quand on accueille ces étudiants, à savoir du côté de l'étudiant, la question « quid de mon désir ?» Et donc à cette période de la vie, où les choix peuvent être déterminants, ou en tout cas engagés, peuvent engager beaucoup de choses. Donc cette question-là, et puis sur la dimension prévention, là, plus précisément, puisque le mot apparaît dans le titre de la table ronde, hein, la question de la prévention, c'est-à-dire que comment cerner la prévention dans ce que vous nous avez présenté, c'est-à-dire qu'il y a un caractère tout à fait particulier de la prévention conçue d'un point de vue psychologique, en tout cas. C'est-à-dire que la prévention d'un point de vue psychologique, c'est probablement l'après-coup. Hein. La question de l'après-coup, c'est probablement parler après-coup de quelque chose qui ne serait pas devenu du côté des symptômes de la psychopathologie. Donc on parle de quelque chose finalement qui ne s'est pas passé hein, quand on parle de prévention après-coup. Et qui n'est pas devenu donc du fait du travail psychique proposé aux patients. Et donc vous dites à propos du travail mené avec Émilie, elle pourra puiser à cette source plus tard pour faire face aux difficultés à venir. Alors moi j'ai envie de détourner une phrase de Freud qui dit à propos de la psychanalyse que la guérison vient de surcroît. Pour dire que peut-être la prévention aussi vient de surcroît. Donc c'est un détournement que je vous propose. Bien, j'ai le temps de répondre, peut-être, oui. Quoique vous avez déjà apporté des... Je vais essayer d'être rapide. Je vous suis tout à fait sur les remarques que vous faites sur la question du bien-être. Je crois qu'effectivement, c'est une appréciation qui reste très subjective. Et on l'a dit tout à l'heure, dans le temps de la première table ronde, il faut se méfier de la tendance à vouloir finalement aller toujours dans le sens du confort, hein, qui pourrait laisser supposer une position idéale où on pourrait être dans le bonheur en lien finalement avec la nostalgie du narcissisme primaire, n'est-ce pas ? Donc ça conduit nécessairement à se confronter à la question de la castration. Et à considérer, vous parliez de la façon dont Didier Anzieux, qu'on voyait la question de la souffrance psychique. Pour ma part, j'ai toujours cette formule qui est de dire que finalement, et d'ailleurs tout à l'heure il a été dit à plusieurs reprises aussi que ce qui comptait c'était la question du sentiment de dépressivité qu'on pouvait parfois observer chez les étudiants, que ce qui compte finalement c'est la parole du sujet et que chacun seul est capable de dire ce qu'il en est pour lui de son état de confort psychique si tant est que cela puisse être possible, et en sachant que la souffrance est aussi quand elle est dépassée permet effectivement d'avancer et d'aller vers une meilleure tolérance finalement à sa propre vie psychique. Il me semble que c'est en cela que participe le travail psychologique. Alors, pour ce qui concerne ma patiente, ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'en fait, sous ce qu'elle avance dans une première démarche, à savoir donc une difficulté liée en fait à un échec dans sa première orientation de formation, vient en fait se découvre finalement toute une problématique identitaire qui touche finalement la question de ses origines et qui vient là résonner sur la scène. Du savoir. Les questions des origines que vous généralisez. Que je généralise, oui, ouais. Dans le sens où c'est une question qui nous concerne tous. Et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que finalement l'étudiant, comme tout un chacun, se pose des questions qui nous concernent tous en tant qu'humains, à savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons être et qui avons-nous été. Voilà. Je crois que Monsieur Roland Havas, prochain intervenant, dernier intervenant de la table ronde, voulait dire un mot. Oui, juste un mot sur ce que disait Thierry Sormet sur l'après-coup et ce qui n'est pas advenu. Donc je pense que c'est une référence, enfin il me semble une référence au traumatisme. Hein. C'est pas parce que donc le traumatisme c'est évidemment dans l'après-coup hein, qu'il se révèle, qu'il sous-tasse le travail. Et moi j'ai été très sensible à la dimension traumatique de votre cas clinique. Plus exactement, je fais référence au travail de Claude Janin dans un livre qui s'appelle Figure du traumatisme et où, se basant sur le travail de Winnicott sur la transitionnalité, il définit la réalité traumatique, enfin une figure principale du traumatisme comme il appelle ça le collapsus interne, topic interne, c'est-à-dire lorsque le fantasme rejoint la réalité. Alors je m'explique, le fantasme pouvant être dans votre cas effectivement un fantasme oedipéen, c'est-à-dire la relation avec le père qui est interdite parce que c'est le père. Or la réalité vient redupliquer le fantasme, le père n'est pas le père. Voilà, donc je pense que cette dimension est très importante dans votre cas. Voilà. Bien, maintenant la parole est à Michel Patrice, psychiatre, président du CAMU de Strasbourg. Très sincèrement, merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Je leur avais d'ailleurs demandé de manière à peine voilée, c'est moi qui les ai appelés, j'ai vu l'annonce de ce colloque et j'avais raté cette occasion l'année dernière, je crois qu'il y avait quelque chose d'équivalent aussi dans le Midi de la France. Donc je suis très content d'être parmi vous, et puis Strasbourg est bien représenté puisque deux assistantes sociales du CROUS d'Alsace sont là, deux stagiaires psychologues du CAMU également sont là, ce qui montre que Strasbourg manifeste son intérêt. Alors il y a plusieurs questions que je vais soulever. D'abord encore une petite remarque, je regrette que Roland Gori ne soit pas là, et je l'aime beaucoup parce qu'il a encore plus mauvais caractère que moi et j'aime bien sa manière d'intervenir. Bon, alors je suis relativement soft par rapport, vous voyez ce que ça peut donner. Donc il y a un petit problème, c'est que moi je suis venu avec l'espoir, et cet espoir je pense pas sera déçu, de compter nos forces et d'adhérer à cette association de la coordination nationale des psychologues cliniciens de médecine préventive de l'université. Alors j'ai un premier problème, c'est que je suis psychiatre. Je ne dirais pas que je suis que psychiatre, mais et ceci est pas très courant dans les BAPU et dans les, je dirais, dans les structures d'aide psychologique aux étudiants dans les différents SUMS de France. Alors, je ne veux pas épiloguer sur les rapports entre les psychiatres et les psychologues, c'est des rapports complexes, on peut dire que c'est un vieux ménage qui n'arrête pas de divorcer, de se faire des mamours, enfin bref. Pour simplement dire que ce problème n'est pas insurmontable, je tiens à dire que je suis membre du SURP, qui est un syndicat interuniversitaire de psychologues et psychanalystes, bien que je sois, je dirais encore une fois, psychiatre. Je suis tout à fait partant pour, je dirais, coopérer, apporter ma contribution dans un effort commun et pour faire poids dans des démarches communes. Voilà. Alors je vous dirai deux mots du CAMU de Strasbourg, mais je voudrais revenir sur la question évoquée tout à l'heure, à savoir qu'en est-il de ce mal-être étudiant et quelle est la réponse qu'on doit lui apporter. Alors, je ne reviendrai pas sur, je dirais, les différentes dimensions de cette aide, et aucune n'est méprisable. Améliorer les conditions de vie des étudiants, c'est le minimum qu'on leur doit. Le CROUS d'Alsace fait des efforts considérables pour améliorer le confort des cités, pour améliorer la condition des étudiants qui n'ont même pas de quoi se payer des tickets de resto-U. Enfin, il faut quand même le dire qu'on en est là, qu'il y a des étudiants qui ont faim. Mais c'est pas que ça ne me touche pas, mais je ne peux pas, moi, comme disait un politique, prendre sur mes épaules toutes les misères du monde. Je crois que chacun doit en prendre sa part. Je dirais qu'un BAPU, CAMU, ne peut pas tout faire. Le concept de l'homme global, les médecins en ont plein la bouche, de l'homme global, biomédico-social, mais non, on ne peut pas s'occuper de tout. S'y mettre à plusieurs, hein, et encore, on a déjà beaucoup de mal. Donc, j'ai aucun mépris pour tout ce qui peut améliorer la condition de vie des étudiants. Mais il y a quelque chose qui est absolument fondamentale qui a été pointée, c'est la question du lien social. Le monde étudiant avait comme tradition justement d'avoir une certaine solidarité, camaraderie, fraternité, appelons ça comme on veut. Bon, c'est vrai que dans des universités étrangères, en Allemagne, c'est allé peut-être un peu loin du côté de la fraternité, c'était un peu... Bon. Bref, je vais dire de mon temps. Non, je ne vais pas dire de mon temps. Moi, j'ai commencé mon internat en psychiatrie le 1er mai 68. C'était formidable, c'était un bordel impossible, c'était extraordinaire. C'est mes souvenirs merveilleux de l'université. Les profs étaient mis en accusation. On n'avait pas dressé des guillotines, mais presque. On avait élu président de l'université un clochard qui était devant le. Et on l'avait porté en triomphe sur dans un char. Enfin, bref, voilà. C'était un grand moment. Hein. Il y avait quelque chose de vivant. Je ne dis pas que les étudiants sont incapables de mouvements de solidarité, mais il faut reconnaître que de plus en plus, ils sont isolés. Et gravement isolé dans les cités universitaires et sur le campus aussi. Donc il y a la question du lien entre les étudiants eux-mêmes, à laquelle il y a certains remèdes, il y a certaines actions qui peuvent favoriser des effets de solidarité et de communauté, de vie collective dans les cités. Et les étudiants relais, dont je dirais un mot si j'ai le temps, les étudiants relais dont s'occupe en partie le Camus, dans les cités sont là pour créer de l'animation, pour, j'irais simplement faire des susciter des réunions le soir, des causeries, des apéros sans alcool, bon, mais quand même, voilà, faire quelque chose, quoi, un peu d'animation. Mais puisqu'on parle de la question du lien, hein, laissons de côté le confort matériel fondamental. Avoir à manger, avoir un toit, on ne va pas mégoter là-dessus. Les liens avec les enseignants. Hein. C'est vrai que les enseignants ne sont pas des psychothérapeutes. Ils ne sont pas là pour faire de la psychologie. Et des fois, ils empêtrent dans des relations transférentielles catastrophiques. Ils ne savent plus comment s'en dépêtrer. Alors, ils me téléphonent. Ils me disent, voilà, j'ai une jeune fille, elle vient me voir après les cours depuis 6 mois, je l'aide. Bon, seulement, elle pèse 33 kilos. Qu'est-ce que je fais? Je dis, oui, il serait peut-être temps de s'inquiéter. Oui, il faut quand même un minimum. On ne peut pas transformer les enseignants en psychiatres, en psychothérapeutes, en psychanalystes, c'est pas possible. Mais il faut qu'ils soient informés à qui s'adresser quand ça ne va pas, tout bêtement. Et ça, c'est pas gagné. Hein. A fortiori, si ce sont des psychiatres qui animent le Camus. On va envoyer cette pauvre jeune fille de 17 ans, 18 ans, là, en prépa, brillante, mention très bien et tout. Là, elle a envoyé un psychiatre, enfin, quelle horreur. Alors, les psychologues ont quand même cet avantage, c'est qu'ils ont quand même la réputation d'être assez soft, quoi. Je ne vais pas vous envoyer chez un psychiatre, hein, il ne faut quand même pas exagérer. Peut-être un psychologue, mieux une psychologue. Côté un peu, je dirais, maternel. Il y a quelque chose de plus supportable dans aller voir une psychologue. Bon. Ben, on n'a pas trop de problèmes avec ce problème de distinction des professions à Strasbourg. Au Camus, travaillent des psychologues, 7 vacataires psychiatres, il y a 7 demi-journées qui sont couvertes par des psychiatres, je les connais puisque la plupart je les ai formés, donc ils sont formés à la psychothérapie, voire à la psychanalyse, ce ne sont pas des psychiatres qui prescrivent des médicaments à tour de bras ou qui hospitalisent ou qui internent abusivement, non, c'est pas... La psychiatrie a des côtés violents, certes, mais il y a aussi des psychiatres, psychothérapeutes, et il y a même des enseignants de psychiatrie, psychanalystes, il n'y en a plus beaucoup, mais je fais partie de ces Mohicans. Il y en a encore quelques-uns, voilà. Donc c'est possible d'intervenir comme psychiatre dans une consultation pour étudiants en difficulté. Alors, le point sur lequel je voulais avancer, confort matériel, conditions de vie acceptables, décentes, créer du lien, que les enseignants soient sensibilisés quand même à cette dimension, je lâche un gros mot, transférentielle de la pédagogie. La pédagogie est toujours transférentielle. C'est-à-dire que vous êtes touché ou pas par le discours d'un prof, par le contact d'un prof, par ses idées, par son investissement. Il y a quelque chose qui peut faire tilt, voilà. Et puis d'autres, ça passe pas du tout. Hein. Et avec les visioconférences, avec le téléenseignement, ça ne va pas. Il n'y a pas de transfert sur un ordinateur. Il y a, comme disent les Japonais, ça fait comment? Ikikomori. Ikikomori, c'est en japonais. Vous connaissez bien le japonais. Ce sont des adolescents qui sont isolés. Ils passent leur temps devant un écran et puis ils voient plus personne. Voilà. Et alors, comment on les soigne? Eh ben, on leur envoie par Internet des programmes. On leur pose des questions pour guérir de hikikomori. C'est formidable. Bon, je ferme la parenthèse. Je veux dire, il y a des transferts. Il y a transfert sur des profs. Dans le secondaire, vous avez été marqué par des profs de philo, de maths, je ne sais pas. Hein, moi, j'ai été marqué négativement par un prof d'allemand. Je ne peux pas apprendre l'allemand. Je suis totalement allergique à l'allemand. J'ai essayé de me soigner, ce n'est pas possible. Mais c'était un problème transférentiel. J'avais un prof qui était un nazi, voilà, qui tenait des propos nazis, et puis voilà, il y aura les résultats. Incapable de lire Freud dans le texte. Une catastrophe totale. Hein. Bon, simplement pour indiquer que c'est faux de dire que les professeurs n'ont pas une responsabilité humaine dans le côté humanisant de l'université. On dit faire ses humanités, ça veut dire rencontrer des gens qui quelque part vous touchent, parce que ce sont des hommes ou des femmes en chair et en os, hein, et non pas des images dans des écrans ou de l'enseignement en boîte. Hein. Donc les enseignants n'ont pas à faire de la psychothérapie, mais ils ont quand même à prendre conscience que de leur personne dépend beaucoup de choses, bonnes et mauvaises. Ils peuvent faire des dégâts, des fois sans le savoir. Hein. Voilà. Alors, encore une chose. Bon, j'insiste, si on me coupe la parole, mais bon, la castration, je connais, mais je sais que ça repousse, hein, je m'en fous. Si on me coupe trop tôt, hein, c'est pas grave, je vous ai dit l'essentiel, je vous ai dit, ici, je prends date. Je ne sais pas pour combien d'années, ça ne va pas durer éternellement, mais je prends date pour que nous comptions nos rangs et que nous réfléchissions sur le sens de notre action psychologique envers les étudiants. Et l'exposé qui vient d'être fait, très, très, très vivant cliniquement, montre que on ne peut confier ça qu'à des professionnels qui réfléchissent, qui ont un petit peu lu Freud. Lacan, ça ferait pas de mal non plus. Hein. On en parle pas non plus. Mais enfin, Lacan, il est mort en 39. Hein. C'est plus tout à fait de première fraîcheur. La psychanalyse évolue quand même. Il y a d'autres discours. Bon. Hein. Le point que j'y arrive, c'est, je dirais, que faisons-nous, nous, psychiatres, psychologues, psychanalystes, quand, comme la Croix-Rouge du temps de Dunan, nous relevons les blessés sur le champ de bataille? Que faisons-nous, je dirais, pour, en quelque sorte, endormir la conscience de ceux qui ont blessé, tué toutes ces personnes? Je parle de Ri Dunan, hein, pas des étudiants, hein, je dirais. C'est le côté, je dirais, très problématique des organisations humanitaires, par exemple. C'est-à-dire, les organisations humanitaires, médicales ou autres, se sont rendues compte qu'elles pouvaient être manipulées par des pouvoirs politiques, par des pouvoirs militaires, et, je le répète, donner bonne conscience aux bourreaux, à ceux qui martyrisent leur peuple, à ceux qui commettent des génocides, et donner aussi bonne conscience à ceux qui n'interviennent pas pour protéger ces peuples et empêcher des génocides. Ça s'est passé au Rwanda et ailleurs, vous le savez. Alors, je vous en prie, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On n'est pas dans le cas de figure d'un génocide. On est dans le cas de figure d'une institution. L'université, je peux parler de celle de Strasbourg, j'ai très bon rapport avec Alain Berès, et je lui dis ce que je pense, et puis il en tient compte ou pas, peu importe. Les universités sont prises dans des contraintes quasiment mondiales. Elles veulent être classées, il y a des critères pour être classées, il faut des publications, il faut ceci, il faut un certain nombre d'étudiants, il faut des résultats. Mais on n'a pas de points au moins s'il y a quelques suicides en plus ou s'il y a des étudiants qui sont en psychothérapie. On n'a pas de points en moins si on met en place une réforme en médecine. Combien de temps ? Encore une demi-heure, ça y va. Et on n'a pas de points en moins si par exemple dans une classe de prépa, une statistique que j'ai faite moi-même, dans une classe de prépa, Fussel de Coulanges, presque 50% des potages, des étudiants, sont suivis par un psychologue ou un psychiatre. J'ai fait une statistique, j'ai dit, levez la main, ceux qui ont besoin de quelqu'un pour causer, pour avoir des soins, un soutien, 50%. Voilà. Ceci ne retire pas des points aux universités et au système. Donc, je ne crois pas que nous puissions renverser la vapeur. Néanmoins, moi, je ne peux pas rester silencieux devant une réforme des études de santé absurde. Contre toute logique humaine de rassembler des étudiants de cinq composantes des professions de santé, on va en avoir 3000 à la prochaine rentrée, 3000, et on va leur faire des enseignements en conserve. Ils pourront le regarder à la télévision pour ne pas être entassés dans un amphithéâtre, ils pourront regarder ça à la télévision chez eux pendant 15 jours. Voilà où on en est. Hein. Alors, cette réforme, je prends que cet exemple des réformes de médecine, pourquoi a-t-elle été faite avec un argument totalement fallacieux? On va faire en sorte qu'en cours d'année, un concours, une première sélection, permette à des étudiants de se réorienter vers janvier, février. Mais ça n'a rien changé du tout, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent au milieu d'une année universitaire? Hein, on dit, voilà, vous n'êtes pas fait pour la médecine. Hop, 15%, élimination par l'arrière, comme on dit au Tour de France. Hein, voilà, hop, allez, vous décrochez dans la montée du Tourmalet. Ouais, au revoir, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire en février? Je vais m'inscrire dans une autre branche, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a des décisions absurdes qui sont prises, mais qui font des dégâts. Parce que en médecine, les gens qui ratent, les gens qui sont collés, éliminés, je ne sais plus comment est l'expression, sont vraiment mal. Bon, voilà. Autrement dit, je dirais que, pour me conclure très brièvement, que nous sommes des professionnels. Nous recevons des étudiants qui vont mal et nous devons former. C'est important, c'est capital. Nous devons former au mieux ces professionnels, psychologues, psychiatres, psychanalystes. On ne peut pas confier les étudiants à n'importe qui. Hein. Bon. Deuxièmement, il y a des raisons générales, contextuelles, qui font que la vie d'étudiant n'est pas toujours rose. Et des réformes doivent être critiquées. Et nous pouvons critiquer ces réformes. C'est un autre volet. Et puis troisièmement, je le répète, il faut que nous prenions conscience qu'en épongeant toute la souffrance psychique des étudiants, quelque part, nous sommes complices du système. Merci. Merci. Monsieur Patrice, je n'ai pas eu à vous couper la parole, heureusement. Je vais demander à Thierry Sormet, notre discutant, de dire quelques mots et puis voir s'il y a des questions parmi les intervenants. On sera bref là dans cet interstice parce qu'il serait souhaitable qu'après l'intervention de Roland Havas, on puisse avoir le temps d'échanger avec tous les participants. Bref, c'est une remarque sous forme de question que je soumets qui rejoint la question de la mise en tension entre malaise supposé à l'université et le mal-être singulier des étudiants que nous recevons. Alors, vous avez fait référence à Lacan et ça m'a inspiré ceci, puisque Lacan, en 1969, disait « les lieux pré-interprètent ». Hein, c'était dans le cadre de son séminaire, on était dans l'après-mai 68, où l'université était contestée, en tout cas le discours universitaire était contesté, et le savoir universitaire était contesté. L'idée que les lieux préinterprètent, je trouve que ça interroge aussi notre place en tant que psychologue, psychiatre, ou toute autre profession, hein, c'est-à-dire la question de notre place au sein de l'université. Il y a eu l'intervention de Luc Vettois ce matin sur des psys dans l'université. Qu'est-ce que ça induit finalement, puisque les lieux préinterprètent ? Vous pouvez répéter la question ? Non, la fin. Les lieux, hein ? Sur la question des lieux qui préinterprètent, c'est-à-dire qui induisent quelque chose de notre place, de notre situation en tant que professionnel, hein, puisque c'est pas neutre d'exercer en psychiatrie, ni neutre d'exercer à l'université ou dans un autre champ. On est toujours dans une institution, donc qui par définition institue quelque chose de notre fonction. Donc c'est une question plutôt ouverte, hein, pour qu'est-ce que ça induit, ces lieux qui préinterprètent ? Qu'est-ce que ça induit sur notre place dans l'université ? Qu'est-ce que ça induit ? Notre place dans l'université. D'accord. Bon. D'ailleurs, qu'est-ce que vous c'est la question qui est latente, au sous-entendu, c'est en quoi ma position d'universitaire, je dirais, pourrait donner un sens particulier à mon intervention au sein du Camus ? Je suis désolé, mais j'entends votre voix de façon très assourdie. Je ne sais pas comment. Peut-être que je devrais avoir un ORL. Est-ce que vous pouvez parler? Là, je suis perdu. Là. Non, j'interrogeais la place des psys dans l'université. Hein. Qu'est-ce qui, de l'institution universitaire, prédéfinit quelque chose de notre exercice ? La place des psychologues, ouais. Des psychanalystes dans l'université. Qu'est-ce que l'université induit pour la place des psychologues ? Une traduction. Qu'est-ce qu'elle prédéfinit ? Qu'est-ce qu'elle préinterprète ? Alors, écoutez, je vous réponds, puisque vous avez cité Lacan, je recommande à tout le monde ici de lire ou de relire Télévision. Une interview où Lacan est interpellé sur, je crois que c'est Jacques Miller, il dit mais alors il parle de la psychanalyse et puis de la question de sa vulgarisation et on lui demande mais alors tous ceux qui scoltinent la folie là au quotidien là, les psychiatres là, eh bien Lacan répond quelque chose de, plus il se coltine la folie, plus il renforce le discours qui la conditionne. Bon, c'est très anti-psychiatre, hein, c'est très fort. Hein, c'est-à-dire, je réponds peut-être à côté, mais c'est professionnel. Hein. Je dirais que on ne doit pas répondre totalement à la demande, à ce qu'on attend de nous au sein de l'université. On doit être, je dirais, en quelque sorte, en porte-à-faux par rapport à ça. Je vous prends un exemple. Hein. Bref, le président de l'université m'a demandé de faire quelque chose aussi pour les enseignants. Pourquoi pas ? On ne peut pas s'occuper de tout le monde, on ne peut pas tout faire. Alors, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Il dit, oui, il y a des enseignants qui souffrent, il faudrait des psychologues, des psychanalystes, bon, pas des psychiatres, n'exagérons pas, et qui puissent s'occuper des personnes à l'université qui souffrent dans les équipes de recherche, les enseignants, etc. Bon. Alors je lui ai dit, écoutez, il n'y a qu'une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de créer un service interne à l'université pour s'occuper des problèmes psychologiques des enseignants. Bon, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a nommé, il a embauché des psychologues et c'est pas bien, c'est très malsain. Il faut, parce que beaucoup de problèmes psychologiques des enseignants sont des problèmes relationnels et hiérarchiques, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, c'est des problèmes hiérarchiques. Alors vous imaginez de ce que ça va pas. On peut pas en interne avoir une écoute vis-à-vis de ce type de problème. Pardonnez-moi de vous avoir, je dirais, sur le plan ORL assez mal perçu, mais je tenais quand même à vous répondre. Maintenant, je vais passer la parole à Roland Havas, qui est psychiatre, psychanalyste au BAPU Luxembourg à Paris. Il est également président d'un réseau Respect, dont il va dire quelques mots. Oui, d'abord, oui, je suis psychiatre aussi, cher confrère. Mais bon, vous savez, personne n'est parfait, de toute façon. Hein. Donc, et puis, comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On peut donc être là avec vous, les collègues psychologues et psychanalystes. Donc le réseau Respect, en un mot. Respect, ça veut dire quoi? Ça veut dire réseau de soins psychologiques et psychiatriques pour étudiants. C'est un réseau parisien, enfin de la région parisienne, qui associe les BAPU de Paris et de la région parisienne avec les services de médecine préventive universitaire et d'autres institutions comme par exemple le service de psychiatrie de l'hôpital Cochin, la clinique Georges Heuillère de la Fondation de santé des étudiants de France et aussi un service d'addictologie à Villejuif. Et donc il existe depuis maintenant bientôt 3 ans et il commence vraiment à fonctionner bien, c'est-à-dire que il y a d'abord on commence à se connaître. Avant ça, on était un peu chacun dans son coin et l'action à Paris était un peu atomisée. Et puis donc ça permet aussi la circulation de patients et une optimisation de cette circulation. Je profite de cette brève présentation pour faire de la pub pour le colloque du réseau Respect qui va se tenir à Paris le 21 octobre prochain à l'espace des Cordeliers. Le thème du colloque, c'est le paradoxe de la réussite. C'est-à-dire un thème qui est, je pense, très important pour tous ceux qui interviennent en milieu étudiant. Est-ce que la réussite, quels sont les liens de la réussite avec le bien-être et la santé mentale des étudiants? Voilà pour cette courte introduction. Bon, je tiens à remercier mon ami Luc Vétois pour cette invitation à participer à votre table ronde, et ainsi à tous mes amis de la médecine préventive parisienne, Marianne Caligari, Laure Boisjoli, etc. Donc, il y a quelques années, deux de mes collègues du BAPU avaient mené une réflexion sur l'évolution des demandes, et plus précisément sur les facteurs de gravité de plus en plus présents au sein de notre patientèle, et sur l'existence d'événements traumatiques réels dans l'histoire des patients. Cette évolution impose une adaptation de l'outil thérapeutique à ces pathologies, où le nombre de cas de névrose diminue au profit des états limites. Le cas clinique que je vais vous relater ici illustre ces préoccupations. Alors, le trauma possède-t-il un substrat réel? Cette question traverse l'histoire de la psychanalyse depuis ses débuts. Freud, qui avait fondé sur les conséquences d'une séduction réelle sa première théorie des névroses, n'a nullement abandonné en renonçant à sa neurotica en septembre 1897, à rechercher, comme il dit, les sources du Nil, cet événement refoulé qui apporterait une explication des symptômes du malade. La découverte du fantasme qu'il met à la place de la réalité de la séduction ne l'empêchera nullement de traquer les traces d'une réalité qu'il sait difficile à saisir, avec parfois la certitude d'y être arrivé. C'est ainsi qu'il écrit à propos du rêve de l'homme au loup. Ce qui cette nuit-là fut réactivé et émergea du chaos, trace mnémonique inconsciente fut l'image d'un coït entre les parents, d'un coït accompli dans des circonstances pas tout à fait habituelles et particulièrement favorables à l'observation. Nous parvînmes peu à peu à obtenir des réponses satisfaisantes à toutes les questions qui pouvaient se poser relativement à cette scène. Ainsi, en premier lieu, l'âge de l'enfant, lorsqu'il fit cette observation, put être fixé à environ 1 an et demi. Et plus loin, toujours à propos de la scène primitive, il n'y a donc pas d'autre alternative, ou bien l'analyse basée sur sa névrose infantile n'est qu'un tissu d'absurdité, ou bien tout s'est passé exactement comme je l'ai décrit plus haut. On constate donc que l'événement réel n'est pas seulement retrouvé comme tel, mais qu'il est décrit avec précision et en plus datable. Cette préoccupation sera présente jusqu'à la fin de sa vie. Voici ce qu'il écrit dans « Construction en analyse » d'Aix de 1937. « Ce qui importe, c'est l'affirmation que la folie contient un morceau de vérité historique. » Et 2 ans plus tard, dans « L'homme Moïse », il revient sur ces liens entre traumatisme et réalité. Il écrit « Nous appelons traumatisme les impressions éprouvées dans la petite enfance, puis oubliées, ces impressions auxquelles nous attribuons une grande importance dans l'étiologie des névroses. » Lorsque elle se décide, après une longue période d'hésitation, de prendre rendez-vous au BAPU, Léa est une jeune femme de 24 ans. Elle avait consulté une collègue, mais n'avait pas supporté sa présence trop féminine, trop chaleureuse. De plus, elle s'était sentie mal à l'aise dans le cadre du cabinet, gênée par un tête-à-tête qu'elle trouvait trop intime. Et de fait, elle se disait rassurée par l'accueil qu'elle avait retrouvé au secrétariat du BPU, redoublée par l'aspect accueillant des locaux, rassurée donc par ce qui allait constituer un élément du double cadre de son analyse. Elle m'explique d'emblée que si elle s'est décidée à consulter, c'est pour ne pas renouveler avec son nouveau compagnon l'échec qu'elle a connu avec les deux précédents, échec dont elle se sent responsable. Elle dit ne rien ressentir, cet homme que rien n'arrive à l'émouvoir, elle n'aurait pas pleuré depuis l'adolescence, même à l'enterrement de sa grand-mère paternelle, décédée il y a 3 ans, à qui elle était pourtant très attachée. Elle n'a pas de désir pour les hommes, pas plus pour son compagnon actuel que pour le précédent, et ne ressent aucun plaisir au cours des rares rapports sexuels qu'elle accepte d'avoir avec lui. Si elle est en couple, elle dit, c'est pour faire comme les autres, pour avoir l'air normal. Et de fait, elle est comme spectatrice de sa vie, se demandant pourquoi elle ne peut aimer l'homme avec qui elle vit, qu'elle trouve pourtant beau, intelligent, réussissant bien dans sa profession, etc. Mais ce blason, selon le terme utilisé par Roland Barthes dans son séminaire sur la biographie, se présente comme un jugement esthétique dépourvu de toute charge affective. Léa fait ce qu'il est convenu d'appeler de bonnes études. Après un parcours sans faute en classe prépa, elle est élève d'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Paris. Et puis elle ne compte pas s'arrêter là, elle compte faire un doctorat, peut-être aux États-Unis. Là aussi un blason académique, en si grand contraste avec ce qu'elle présente comme pauvreté de sa vie affective. Et cette contradiction d'emblée me fait penser au clivage qui permet aux enfants maltraités de s'abstraire de leur corps pour survivre dans la performance intellectuelle. Léa ne viendra pas sans son rendez-vous. Au téléphone d'une voix de petite fille coupable, elle me présentera l'inévitable empêchement professionnel de dernière minute. Elle était en stage à l'époque. Empêchement qu'il m'avouera lors de son rendez-vous suivant avoir utilisé pour ne pas se retrouver à nouveau en face de moi, dans un tête-à-tête qu'elle avait vécu comme gênant, voire intrusif. Cette deuxième séance sera entièrement consacrée à ce qu'elle appelle son traumatisme, entre guillemets, à savoir sa dernière année de collège et sa première année de lycée. Elle était devenue la tête de turc de la classe, ce qui est souvent le cas des bons élèves, et était l'objet de plaisanteries rivoises des garçons. Elle dit « Je me suis construit une carapace pour supporter, je ne pouvais pas en parler à mes parents, et j'ai l'impression que cette carapace, je l'ai toujours. » J'avais le sentiment que ce qu'elle me disait n'était pas en rapport avec son absence à la deuxième séance, sous l'impression de gêne et sa peur de l'intrusion. J'étais aussi frappé par son élocution, par sa façon de remplir entièrement les séances, comme si craignant ce que je pouvais lui dire, elle cherchait à m'empêcher de prendre la parole. Sa présence et son discours me faisaient un effet contradictoire. J'avais l'impression de devoir être présent, pour elle, dans une attitude contenante et en même temps de devoir garder une certaine distance. Elle suscitait en moi le désir de l'aider, de la protéger, mais j'avais vaguement conscience que je devais me méfier de ses désirs. Plus encore, il m'arrivait au cours des séances d'avoir brusquement froid, comme si quelque chose de glacé s'était introduit en moi, et je me souviens m'être levé de mon fauteuil pour vérifier si le chauffage était en panne. Pendant ce temps-là, Léa me chantait les louanges du Bapu. Elle trouvait les locaux agréables. Elle venait à l'avance à ses séances pour rester un peu à la salle d'attente. Que cette salle fût fréquentée par des étudiants, comme elle, la rassurait. Elle se sentait plus étudiante que patiente. Petit à petit, elle se mit à me parler des gens qu'elle y croisait, les patients, les thérapeutes. Puis de plus en plus les thérapeutes, puis un thérapeute. Je vois souvent, dit-elle, passer votre collègue. Vous savez, celui qui est très grand et mince, l'air distingué, un peu british. J'aime bien sa façon de saluer ses patients. Il sait se tenir. Donc, entre parenthèses, je ne suis pas sûr que vous saurez vous tenir. Donc, latéralisation du transfert. En phase avec ce qu'elle m'avait dit d'emblée sur sa crainte de l'intrusion, qui avait motivé son absence à sa deuxième séance. Alors, un petit mot sur le transfert latéral. Donc, sa raison d'être est de diminuer la tension et l'excitation que crée la situation analytique. Au départ, il a souvent été considéré comme défense contre l'analyse, contre l'analyste. Freud, qui n'a pas théorisé ce transfert latéral, parlait, lui, d'une fissure par laquelle s'échappent de précieuses données. Le terme qui est traduit par fissure peut aussi signifier clivage. On arrive ainsi à la notion de clivage de transfert, avancé par Phyllis Krenekre, qui correspond aussi bien aux défenses que présentent les patients traumatiques. Ce n'est que plus tard que Grinson, dans son livre « Technique et pratique de l'analyse », réévaluera le transfert latéral qu'il préférera d'appeler « transfert auxiliaire », faisant remarquer que la latéralisation concerne surtout les aspects négatifs, voire hostiles, du transfert. Ce n'est qu'au bout de 2 mois que Léa me parla de sa famille. Je m'étais étonné de ce silence, mais j'avais retenu toutes mes questions concernant son histoire familiale, tant il m'avait semblé important de lui donner le temps d'y venir elle-même. Au début, il ne fut question que de son père. Léa me semblait avoir pour lui un attachement mêlé de crainte. Écrivain en mal d'éditeur, il avait gardé de son passé 68 arts, une grande liberté, entre guillemets, une liberté dans ses manières, se promenant souvent nu devant ses enfants, n'ayant aucun respect pour leur intimité. Il entrait dans la salle de bain quand Léa prenait sa douche, entrait dans sa chambre sans frapper à la porte, etc. Il tenait des propos graveleux et souvent misogynes, se vantait de la taille de son sexe. Les souvenirs de Léa sont aussi très mitigés. Enfant, il aimait s'affaler sur son père pour regarder la télévision, s'affaler sur son terme à elle. Se livrait avec lui à des parties de chatouille, mais il se rappelle également les raclées qu'il administrait à son grand frère pour un oui ou pour un non. Ce récit me fit entrevoir toute la difficulté de ce début d'analyse, le trauma de la séduction paternelle, renouvelé par les années de collège, se voyait réactivé dans l'après-coup, par la situation analytique dans laquelle Léa craignait que je pénètre dans son intimité psychique sans frapper à la porte. Plus encore, il me vint l'idée que sa stratégie, qui consistait à remplir les séances comme pour prévenir toute velléité d'intervention de ma part, était pour elle une façon de m'empêcher de me dévoiler, de me déshabiller devant elle. Pour Léa, de toute évidence, donc, la rencontre analytique a joué comme une réactivation traumatique, créant un quantum d'excitation insoutenable. Serais-je pour elle ce père incestuel au comportement inapproprié ou un persécuteur, comme ses camarades de classe? on comprend mieux ces investissements latéraux, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont fantasmatiques, c'est-à-dire la figure de ce collègue, ou réels, c'est le cadre institutionnel. Pour moi, ces latéralisations du transfert, loin de constituer des fissures, ont permis à Léa de poursuivre ses séances, donc que s'installe un processus analytique. Mais son histoire pouvait-elle se résumer à cette confusion de langue, au sens que donne Ferenczi à cette expression ? Une confusion donc entre ses demandes d'affection et la réponse sexualisée d'un père qui ne prenait pas en considération ses besoins d'enfant. Cette relation traumatique avait marqué ses relations aux hommes, dont elle pouvait craindre, si elle renonçait à se carapacer ses affects, de carapacer ses affects, la passion intrusive. Carapace qui la défendait aussi de son ambivalence vis-à-vis du comportement paternel. Car on pouvait penser, d'après son récit, que si la passion était absente chez l'enfant, la pulsion, elle, ne l'était pas. Cependant, cette explication, entre guillemets, ne la satisfaisait guère. Elle ne rendait pas compte de ce qui, dans mon contre-transfert, n'avait cessé de s'affirmer tout au long de ces 4 premiers mois. L'envie de l'aider, de la protéger, de la prendre dans mes bras, comme un bébé. Et puis, quid de la mère, dont il n'avait pratiquement pas été question, sinon pour signaler qu'elle s'occupait bien de la maison et qu'elle faisait bien à manger. C'est sur ces questions que les vacances d'hiver furent l'occasion d'une première séparation. À la rentrée, Léa me raconta qu'elle avait oublié mes dates de vacances, qu'elle était venue au BAPU, s'était installée à la salle d'attente, et qu'elle avait vu passer mon collègue british. Et elle me dit, lui, au moins, il n'est pas parti en vacances. Il m'apporta aussi 2 rêves qui étaient les premiers depuis les débuts de l'analyse. Dans le premier, elle faisait l'amour avec un homme dont elle ne voyait pas le visage. Elle dit, j'étais comme de glace, j'avais froid, je ne ressentais rien. Aucun plaisir. Dans la scène suivante, je discutais avec lui, moi toujours allongé, et lui assis sur une chaise. Et je me rendais compte que c'était vous. Elle était très gênée de me raconter ce rêve, qui me mettait directement en scène. Je me suis dit que ces contenus manifestes si crus témoignaient en effet d'un passé traumatique. En l'occurrence, les vacances avaient fait l'effet d'un trauma par défaut, amenant une grande quantité d'excitation qui s'exprimait dans ce rêve. Dans le deuxième rêve, nous nous promenions, elle et moi, dans une station de sport d'hiver. Elle dit, tout était blanc, couvert de neige, une neige fraîchement tombée sans trace. Il y avait des blocs de glace à la place des maisons. Rien ne bougeait, c'était à la fois la montagne et un paysage polaire, et il faisait très froid. Puis, la neige et la glace se mettaient à fondre, et nous étions entraînés par l'eau, qui nous faisait dégringoler une pente tellement abrupte qu'il était impossible de s'arrêter. Dans ses associations, le paysage de ce rêve lui évoquait un voyage qu'il avait fait avec son père en terre de feu, où elle avait été impressionnée par les glaciers. J'avais bien noté l'allusion à la terre de feu, ce feu qui couvait sous la glace, et la glace qui la protégeait d'un feu qui risquait de la consumer. N'était-elle pas dans le premier rêve comme Douglas, alors qu'elle était au lit avec un homme qui aurait pu être son père ? Je choisis d'interpréter le transfert paternel. Et je lui dis, je vous ai manqué pendant les vacances, malgré la présence de mon collègue. Et alors, vous rêvez de m'emmener avec vous, mais vous craignez que je sois pour vous un père intrusif et séducteur, capable de vous entraîner sur une mauvaise pente. Et vous vous défendez en gelant tout autour de vous, en devenant vous-même un bloc de glace. Cette interprétation amena une certaine détente. Léa m'avoua qu'il avait eu, au début de l'analyse, très peur de moi, de ce que j'allais lui faire. Il lui arrivait de se demander ce que j'attendais d'elle, ce que je lui voulais. Je pensais maintenant qu'il était possible de modifier le cadre. Nous décidâmes d'un commun accord de continuer l'analyse sur le divan. Ce changement a eu des effets immédiats. Léa aborda un thème qu'elle avait soigneusement évité jusque-là. 5 minutes. Elle me raconta comment son père avait gravement maltraité son frère pendant plusieurs années. Et donc, je résume parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, il s'agissait effectivement de racler qu'il administrait son fils, et, qu'il cherchait bien d'ailleurs, mais le problème c'était que ce père ne savait pas s'arrêter. Hein, quand il commence à taper, il ne savait pas s'arrêter. Et je cite Léa, il le laissait comme un plantain désarticulé, comme un bout de chiffon informe. Elle avait eu elle-même peur que cette sévérité s'applique à elle. Et puis, à propos de ça, au bout de quelques mois, elle a fini par m'avouer qu'elle elle rêvait souvent, vers l'âge de 10 ans, qu'elle était un chiffon désarticulé dans les mains de son père. Donc, la question se posait, revenait régulièrement dans les séances, avait-elle désiré son père. Bon, je ne sais pas si je pourrais finir. Hein. Il faut conclure. Bon, alors, donc, il manque un petit bout quand même. Bon. Il se passa une année d'analyse. Et au bout de cette année, un événement fortuit indépendant de nous, enfin, qui était donc la mort de son chat, a amené un rêve dans lequel elle était maltraitée au collège et où une amie se tenait derrière elle, une amie dont elle pensait qu'elle allait la défendre, mais qui ne bougeait pas, qui était immobile, comme de glace, encore une fois. Ce rêve le ramena le souvenir de sa mère qui assistait aux séances de maltraitance du frère aîné, qui se tenait aussi derrière et qui ne bougeait pas. Donc, cette mère qui était absente du discours de Léa jusqu'à maintenant faisait son apparition sous cette forme-là. Et donc, j'ai pu lui dire à ce moment-là que, ici, dans la séance d'analyse, c'est moi qui étais derrière elle et qu'elle se demandait, dans le transfert maternel évidemment, elle se demandait si j'allais être pour elle aussi une mère immobile de glace qui n'allait pas l'aider, la secourir. Bon, je crois que je vais passer sur la suite et arriver à la conclusion. Donc, j'étais parti effectivement de la question du statut de la réalité, du trauma, de l'événement traumatique dans l'histoire de cette patiente. Et il apparaît maintenant que cette réalité est double. Il y a ce que j'ai exposé sur le trauma de la relation paternelle, mais aussi le trauma aussi important dû à cette mère déprimée. Alors, donc, j'ai pas eu le temps de le dire, mais bon, elle avait perdu son père quand Léa avait 6 mois, et à partir de là, elle était très profondément déprimée. Elle avait été, pour Léa, ce que André Green appelle une mère morte, c'est-à-dire une mère dont il est difficile de faire le deuil, et à laquelle Léa allait s'identifier dans sa froideur et dans sa façon de ne pas ressentir. Et c'est à propos, donc, après cette interprétation transférentielle, qu'il y a eu un certain dégel, dans une séance, elle s'est mise à pleurer, et petit à petit, est revenue à la vie. Voilà, je me suis obligé de m'arrêter là. Je vous remercie. Nous allons avoir un temps d'échange que va peut-être initier notre discutant. Hein. Oui. Et s'il y a des personnes qui veulent ensuite poser des questions dans la salle ou faire des remarques. Alors merci à Monsieur Havas pour cette belle illustration clinique. En plus, donc, c'est une intervention qui réconcilie Freud et Ferenczi, donc c'est un dégel aussi. Qui réconcilie Ah, on n'entend pas, hein? Non, non, c'est sourd, on n'a pas de retour. D'accord. Si je me mets plus loin, ça va mieux? Ouais. Non, plus près? D'accord, je vais faire ce que je peux. Monsieur Havas, vous mentionnez à plusieurs reprises la prudence qui fut la vôtre de se garder, de protéger, de se garder de son désir de la protéger. Hein. C'est ça, hein, pour permettre à un moment donné le dégel chez cette patiente. Et je crois en fait que ça rejoint une question éthique qui concerne tous les professionnels qui accueillent des étudiants finalement, pas seulement les psys, c'est-à-dire tous les professionnels qui interviennent auprès des étudiants et qui a trait à l'adresse transférentielle, c'est-à-dire, là je vais reprendre un terme que je pique à mon collègue et ami Pascal Lemaléfant, qui propose en fait une position clinique, une position du clinicien qui ne serait pas, là je le cite, une nouvelle ou une énième figure court au trophe, ni un passeur auquel on se remet, mais un témoin d'une traversée. Et alors, courotrophe, j'explique parce que, enfin, moi, je connaissais pas ce terme non plus, et maintenant, je l'utilise tout le temps, j'essaie de le placer dans les conversations. Mais c'était courotrophe, c'est-à-dire qui porte les jeunes jusqu'au seuil de l'âge adulte, hein, c'est-à-dire les statues des divinités courotrophes, telle Artémis, je crois. C'est une femme qui porte un enfant. Donc, lui, il propose hein, que le clinicien ne soit pas une nouvelle figure courotrophe, ni un passeur auquel on se remet, mais un témoin d'une traversée, et j'ajouterais alors peut-être un témoin et allié de cette traversée. Voilà, je voulais soumettre cette réflexion. Oui, enfin pour la traversée, je ne sais pas. Ce que je voulais partager avec vous, avec ce cas clinique, c'est à propos de la prudence. C'est que c'était, dans cette cure-là, mon vécu contre-transférentiel. C'est-à-dire ce que j'éprouvais dans la séance à l'égard de la patiente. Et donc, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais l'instauration de ce processus psychanalytique a été rendue possible par le BAPU. C'est-à-dire que la question n'est plus est-ce qu'on peut faire une analyse au BAPU ou une institution en général, mais est-ce que cette analyse-là aurait pu avoir lieu ailleurs ? Hein ? Parce que, bon, on voit bien comment un cabinet psychanalyste, ça l'a fait fuir. Hein ? Et que donc. Alors que l'institution permet un peu de refroidir un peu ce qui est vraiment trop chaud dans son transfert immédiat. Hein. Je vois qu'il y a déjà des questions, une question dans la salle. Oui, je voulais poser une question à Michel Patrice, parce que, enfin, je suis Sylvette Jean Dussuzeau du relais étudiant lycéen. Oui, vous disiez, il faut former des psychologues, il faut former des psychanalystes. Bon, les psychanalystes, ils se forment avec leur analyse personnelle, les psychologues aussi, ils se déforment après, éventuellement, au contact de la clinique. Mais est-ce que vous vouliez dire cette nécessité de formation par rapport au Camus ou venant du Camus? Voilà. Ça a pour moi des implications très, très concrètes sur le plan institutionnel. En 2000, avec Jean-Richard Freiman, j'ai fondé la Fédération européenne de psychanalyse pour proposer des formations d'analystes. Je dirais que pour former des analystes, ça n'a pas beaucoup changé. Il faut faire une analyse, il faut participer aux travaux d'une institution, et puis il faut pratiquer la psychanalyse, c'est le minimum, quoi. Que quand je dis il faut former des psychanalystes, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'en occupent, quoi. Ça, ils se forment. Bien sûr, ils choisissent de se former ou pas, mais il faut qu'il n'y ait pas simplement une demande, il faut aussi qu'il y ait une réponse du côté des enseignants. Alors, votre question, elle tombe juste, parce que je trouve que l'intervention de notre collègue psychiatre comme vous disiez, personne n'est parfait, soulève indirectement cette question. Je me suis fait remonter les bretelles à Paris à une réunion des BAPU il y a déjà une dizaine d'années, parce que je mettais en question le fonctionnement de certains BAPU à guichet fermé pour des mois, de longs mois, parce que c'était des psychanalystes qui intervenaient, qui faisaient un très bon travail d'analyste, mais ils n'avaient pratiquement aucune disponibilité par rapport à des demandes urgentes. Urgence et psychanalyse, ça ne fait pas très, très bon ménage. Mais le Camus s'est donné comme règle de privilégier une réponse relativement rapide à des demandes d'étudiants qui ne vont pas bien. Et je crois que partout maintenant, ça se fait un peu comme ça, mais à l'époque, il y avait des analystes qui intervenaient dans les BAPU, et puis ça tournait comme ça pendant des années, très bien. Alors, je n'ai pas à moi à régler la circulation dans les BAPU. À Strasbourg, il y avait un BAPU et qui est en 1967, c'est plus fort que moi, il faut que je raconte mes guerres, a été fermé par les situationnistes. Ils étaient sympathiques, les situationnistes. Ils ont foutu à la porte mes aînés, Jean-Pierre Boer, Ritter et compagnie, parce que le BAPU était stigmatisé comme une structure répressive du système capitaliste, etc., bourgeois, etc. Bon, je n'en donne pas raison. Je dirais que les BAPU ne peuvent pas faire que ça. Ils ne peuvent pas faire que de la psychanalyse. Encore un mot, je rends le crachoir, à propos des psychothérapeutes. Alors j'ai été impliqué, je peux dire presque coupable, de toutes les négociations qui ont eu lieu ces dernières années sur le titre de psychothérapeute. Ça, si on soulève ce lièvre, on a pour la nuit. Mais néanmoins je veux au moins dire ceci, c'est qu'il y a un piège dans cette histoire de titre de psychothérapeute. Le piège, c'est de former au rabais des thérapeutes en bac plus 2, bac plus 3, etc., alors que des psychologues cliniciens, des médecins, des psychanalystes formés de manière plus ou moins orthodoxe, ou tout à fait orthodoxe, offrent quand même d'autres garanties. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il ne faut pas accepter de former des psychothérapeutes à la 642. Oui, d'accord. Je voudrais vous répondre sur les BAPU, hein, parce que, évidemment, aujourd'hui, j'ai choisi de vous exposer un cas de psychanalyse. Et effectivement, au risque de faire penser que les BAPU travaillent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne fait que de la psychanalyse et qu'on cherche à entraîner les patients dans ce genre de prise en charge. Bon, alors ça, évidemment, ce n'est pas le cas. Nous prenons en tout cas au BAPU du Luxembourg, nous prenons les patients là où ils en sont de leur questionnement, c'est-à-dire, bon, s'il y a une demande d'analyse, pourquoi pas, mais s'il n'y en a pas, on les prend là où ils en sont. Il y a au BAPU 4 psychiatres qui font aussi des consultations psychiatriques, c'est pas, il y a un psychodrame, et donc c'est un peu plus varié que cela. En plus, grâce au réseau maintenant, il y a beaucoup d'autres façons d'intervenir aussi. Moi, j'avais une question. Je peux poser la question. Différents points là qui m'ont intéressé, qui m'ont fait me poser quelques questions. Premier point, pourquoi respect ? Pourquoi ce mot ? Le mot de respect pour nommer votre réseau. Deuxième point, deuxième question. Alors, comment poser ça délicatement, vous verrez. Hein. La question de l'argent, du paiement, de la coupure, du liquide, de ce qui fait séparation, c'est-à-dire comment finalement ça se traite quand on s'engage sur le chemin analytique en institution. C'est une vieille question, mais je me permets de vous la poser. Et troisième question, qui m'a beaucoup intéressé, sur la question du trauma, du traumatisme. Ne peut-on pas considérer que finalement c'est un point de jouissance en elle, à la vue de son père battant son frère, qui fait traumatisme, plutôt que la réalité de la scène. Et en ce sens-là, je rejoins le texte de Freud, un enfant est battu. Bon, c'était trois niveaux de question. Je vais commencer par la fin. Vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. N'est-ce pas, hein? Donc, en effet, il s'agit vraiment d'un cas où le texte de Freud est tout à fait juste. C'est-à-dire, on voit un enfant, le fantasme d'être battu par le père. Et alors, le caractère traumatique de cette histoire-là, c'est quoi? C'est comme j'avais commencé à dire tout à l'heure. C'est qu'il y a le fantasme d'être battu. Et il y a la réalité du comportement incestuel du père. C'est-à-dire qu'il y a là un collapsus topique, selon les termes de Jeannin, qui définit la réalité, lui, d'après Winnicott, comme jamais entièrement extérieur, jamais entièrement psychique, mais les deux à la fois. Et lorsque donc elle est transitionnelle, donc quand cette réalité, quand il y a une détransitionnalisation, on entend ce que je dis ou pas, hein? Quand il y a une détransitionnalisation de cette configuration là, il y a trauma, hein? Quand la réalité vient redupliquer le fantasme, quand il y a un collapsus topique. Voilà. La question de la psychanalyse dans l'institution est de l'argent, c'est ça? Bon, il y a effectivement des structures psychiques dans lesquelles effectivement on ne peut pas se passer un paiement, des obsessionnels, il y a un cas que citait Octave Manoni, qui était un des premiers analystes à travailler en BAPU à Paris, qui consistait à une espèce de perversion qui consistait à ne pas vouloir payer, mais rien payer d'ailleurs, pas seulement l'analyste, mais rien. Enfin bon. Mais en dehors de ces cas, je suis arrivé à la conclusion, aussi en travaillant avec des collègues qui interviennent au centre Jean Favreau à Paris, qui est un centre de psychanalyse aussi, à la rue Saint-Jacques, que la psychanalyse est tout à fait possible en dehors du paiement. D'ailleurs, le même Octave Manoni disait à l'époque que penser qu'une psychanalyse marchait mieux avec un paiement, c'était absurde. C'est son terme à lui. Bon. Alors, surtout dans ces configurations traumatiques, je pense que l'argent n'a pas beaucoup d'importance. Alors, ce qui se passe par contre, là où ça peut être embêtant, c'est dans la gestion de l'absentéisme. Hein? Évidemment, quand un patient s'absente dans le cabinet, il paye. Dans une institution, évidemment, il n'y a pas de paiement. Et donc, il est parfois difficile de gérer l'absentéisme des patients. Mais ça se travaille. Comme la gratuité, ça se travaille aussi. Ça peut intervenir dans le matériau. Hein? Quant à votre première question, respect, alors là, je ne sais plus, c'est pas moi qui ai trouvé le mot. Alors, on a fait une réunion à laquelle on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait, comme ça, émerger comme sigle. Et bon, le jeu de mots avec ce mot qui est tellement employé dans nos banlieues, n'est-ce pas, nous a semblé pertinent. Voilà, c'est pas plus que ça. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport au traumatisme, parce que j'avais pensé qu'on pouvait aussi bien situer dans le champ de la parole cette question du traumatisme, dans la mesure où on a d'un côté un père qui dit et commet des choses, enfin des horreurs, des propos graveleux, des raclés, et puis des comportements exhibitionnistes, etc. Et de l'autre côté, une mère qui n'en dit rien du tout, parce qu'elle est absorbée par le deuil. Et moi, je vois le traumatisme de ce côté-là, c'est-à-dire du côté d'une parole en excès du côté du père et d'une parole en défaut du côté de la mère. Je pense que bon, il y a l'excès effectivement comme vous dites, et puis il y a le défaut qui est lui-même un excès, hein, c'est-à-dire que le traumatisme par défaut est aussi important que le traumatisme par excès. Claude Janin, que j'ai cité tout à l'heure, appelle ça la source froide et la source chaude du traumatisme. Bon, quant à la parole, évidemment, c'est une cure de parole, hein, la psychanalyse. Tout vient dans la langue, dans le langage. Cela dit, je pense qu'avec ce genre de patients-là, il faut aussi être très attentif au ressenti contre-transférentiel. Je sais que le contre-transfert est une notion, est un concept qui n'est pas accepté par toutes les écoles analytiques. Je sais que les lacaniens préfèrent parler de désir l'analyste plutôt que de contre-transfert. Mais je pense que dans ces cas-là, il y a une partie de ce qui est communiqué qui n'est pas uniquement dans la parole. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'il m'arrivait d'avoir froid en plein été. Bon, évidemment, ce ressenti est complètement paraverbal. Et c'est pas par hasard qu'avec elle, il m'arrivait d'avoir froid. Donc j'ai compris à la fin qu'effectivement, il y avait ce mécanisme d'identification projective, c'est-à-dire de transplanter dans l'analyste quelque chose qui n'est pas symbolisable dans le patient pour qu'il puisse le travailler, le symboliser et le restituer. Alors donc dans ce cas-là, il me semble que c'était cet objet primaire maternel qui était froid, glacé, absent, hein, qui était ainsi transféré en moi pour que je lui redonne vie dans l'analyse. Pas une question, mais un complément sur l'importance du travail à plusieurs et du travail en structure de ce qui peut se faire. Parce que vous avez posé la question, est-ce que l'analyse peut se faire en BAPU ou pas? Sur cette complémentarité, je pense à une patiente qui ressemble un peu à Léa, que je reçois, et qui vient me voir juste après qu'elle ait vu, pour la première fois, le relaxologue. On a un relaxologue qui fait de la relaxation, et elle me dit « Ah, c'était bien, j'ai pu y aller parce que je savais que vous étiez dans le bâtiment à ce moment-là. » C'est-à-dire qu'elle a pu se laisser aller à la relaxation devant un homme parce qu'elle savait qu'il y avait ma présence qui... Alors, je ne sais pas, dans son fantasme, qui aurait pu la protéger de ce qui aurait pu éventuellement se passer dans son propre fantasme. Et puis, autre chose aussi, ce qui me revient à l'esprit, j'avais une patiente toxicomane, état limite, qui vraiment, dans la prise en charge, était assez difficile, et qui a été accompagnée, que j'ai pu accompagner, et on a fait une espèce d'accompagnement à deux avec l'assistante sociale du service. Et elle disait, ah oui, la MPU, quand elle parlait de nous, elle disait, la MPU, ce sont mes parents universitaires. Donc je trouvais que c'était dans ce qui pouvait se jouer là à ce moment-là, c'était assez joli. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Je peux dire un mot de l'argent, mais à un autre propos. Vous avez entendu au moins 30% des étudiants n'avaient plus de couverture sociale. Je dirais que la question de paiement d'analyse me paraît non pas sans intérêt, mais presque secondaire dans le contexte actuel. La question, c'est qu'ils ne peuvent même pas aller voir un psychiatre en ville parce qu'ils ne peuvent pas payer, ou parce qu'ils n'ont pas de couverture, ou ils ne peuvent pas payer, bien sûr, a fortiori, les dépassements. Ça que pour les soins psychiques, mais pour les soins somatiques, il est question de plus en plus que le SUMS assume des soins somatiques parce que les étudiants se soigneraient pas. Bon, c'est pas le problème d'analyse, je suis d'accord, mais rappelons quand même que Ferenczi et d'autres avaient envisagé, il est presque arrivé à ouvrir une consultation psychanalytique à Budapest, que l'Institut de Berlin, avant les nazis, a aussi développé une consultation psychanalytique. C'est-à-dire que la dimension sociale, c'est très barbare ce que je dis, hein, la dimension sociale de la psychanalyse, elle est très ancienne. C'est-à-dire que c'est pas une hérésie, c'est pas, on n'est pas, je dirais, franchement novateur, et encore moins totalement hérétique de vouloir mettre la psychanalyse à la portée de ceux qui n'ont pas un copec. C'est même, je crois, même pour moi, une question d'actualité. Oui, donc moi je suis Karine Rouquet, enseignante au BAPU Pascal, et je voudrais poser une question par rapport au thème de la table ronde, parce que un dialogue me paraît absolument nécessaire à instaurer entre les enseignants de l'université et les psychologues et psychanalystes, et ce dialogue est assez difficile à nouer. En tant qu'enseignante, donc j'ai eu l'occasion d'inviter des collègues universitaires au BAPU. C'est parfois c'est très difficile parce que les psychanalystes ont aussi peur des enseignants que les enseignants ont peur des psychanalystes. Alors, Monsieur Patrice, je vous dis que les enseignants savent qu'ils sont objets de transfert. Hein. Ils savent beaucoup de choses. La plupart du temps, je crois qu'ils ont besoin de connaître, d'être informés sur les différentes structures, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent recevoir, adresser. Je pense que ce dialogue est instauré dans des espaces publics. En deux mots, je promets, je recommencerai plus, je me tais après. Quand j'ai ouvert le Camus en 96, les universités de Strasbourg n'étaient pas encore réunies. J'ai obtenu de l'université Louis Pasteur qu'elle fasse une enquête auprès de l'ensemble des enseignants de cette grande université, c'est de la plus grande des trois, pour, disons, voir ceux qui étaient motivés pour s'intéresser aux problèmes personnels des étudiants d'une façon ou d'une autre. Ça présentait, je ne sais pas, plus de 1000 enseignants. Et on a eu trois réponses, de trois professeurs à la retraite. Voilà. Je voudrais passer maintenant la parole, ça sera la dernière question, à Madame Veuillet-Combier, parce que après cette question et sa réponse, nous pourrons aller partager ensemble un apéritif musical et convivial qui clôturera cette demi-journée. J'annonce avant que de cette dernière question que il y aura demain matin un rendez-vous pour les ateliers dans le hall où vous êtes arrivé, où va y avoir l'apéritif. Donc un rendez-vous pour ensuite aller en groupe vers les ateliers. Oui, donc j'ai l'honneur de poser la dernière question. Donc ça va être une question qui va justement aller dans le sens de la fin de cette journée d'échange très riche. Je voulais poser une question concernant justement le travail d'analyse en institution, parce que j'ai beaucoup apprécié votre intervention et la façon dont vous avez souligné la spécificité finalement du travail du psychologue et du psychanalyste dans ce champ, la façon dont l'institution pouvait effectivement refroidir donc la chaleur du lien transférentiel. Mais ma question, je ne sais pas si dans les BAPU c'est la même chose que dans les SUMS, à savoir quand l'étudiant perd son statut d'étudiant, que se passe-t-il pour le travail d'analyse? Comment gérer cette question-là? Parce que pour ce qui me concerne, c'est une question qui me met beaucoup au travail. J'aurais souhaité savoir comment vous vous débrouillez avec cette question. Très mal, évidemment. Non, mais c'est une question tout à fait importante. Et je pense qu'elle est plus importante que celle de l'argent. Parce qu'évidemment, là, il y a une limite très précise aux prises en charge, psychothérapie ou psychanalyse, qui, bon, limite qui n'existe pas dans le privé, et qui introduit une temporalité qui est en contradiction avec la temporalité psychique. Alors évidemment qu'il n'y a pas de bonne solution. Qu'est-ce qui se passe après la fin des études? Soit miraculeusement les gens vont mieux, alors donc ils n'ont plus besoin de nous. Hein, donc ils ont terminé en même temps que leur diplôme. Hein, bon, ça n'arrive pas très souvent. Soit ils sont réorientés dans le privé ou dans d'autres institutions. Hein. Il y a des institutions analytiques à Paris qui ne pratiquent pas le paiement, comme je citais le centre Jean Favreau, mais aussi le département de psychothérapie. Il y a la possibilité de continuer avec le même analyste dans le privé, hein, ce qui doit rester quand même, à mon sens, exceptionnel. Mais lorsque le transfert est instauré de la façon dont je l'ai exposé là, il est difficile ensuite de dire au patient allez voir quelqu'un d'autre. Donc, on peut effectivement avoir cette solution-là, mais aucune solution n'est pas vraiment satisfaisante. Oui, Pascal a raison de me rappeler ça. Il y a aussi des étudiants qui prolongent leurs études rien que pour pouvoir continuer. Et ça, il faut qu'on soit très très vigilant à ça, pour ne pas induire ce genre d'effets secondaires de la thérapie. Oui, c'est moins cher. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain matin à partir de 8h30 dans le hall.